Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui. Je suis votre valet. De grâce, un mot, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère, pour être votre gendre, a parole de vous. Oui. Vous aviez pris jour pour un lien si doux. Il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Je le sais. Auriez-vous autre pensée en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Mais pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Valère, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qu'il vous plaira. Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Valère, à votre foi, la tiendrez-vous ou non? Adieu! Pour son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Marianne! Mon père? Approchez. J'ai de quoi vous parler en secret. Que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Orsu! Nous voilà bien. J'ai Marianne en vous reconnue de tout temps. Un esprit assez doux. Et de tout temps aussi, vous m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de paix. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute? Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui, moi? Vous. Mais voyez bien comme vous répondrez. Hélas, j'en dirai, moi, tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, qu'en toute sa personne, un haut mérite brille, qu'il touche votre cœur, et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Hein? Hé? Qu'est-ce? Plaît-il? Quoi? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je vous jure! Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité! Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté? Quoi? Vous voulez, mon père? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux. J'ai résolu cela. Et comme sur vos vœux, que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard, mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle, et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc, la chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, vous nous contez une plaisante histoire. Ben, je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson! Ce que je dis, ma fille, n'est point un jeu. Allez, ne croyez point à monsieur votre père, il raille. Je vous dis... Non, vous allez vous faire, on ne vous croira point. À la fin, mon courroux. Eh bien, vous croira donc, et c'est tant pis pour vous. Quoi? Se peut-il, monsieur, qu'avec l'air d'homme sage et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir... Vous avez pris séance certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, mamie. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis que vous apporte une telle alliance?

Qu'avez-vous donc perdu? Dites-moi la parole. Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que, si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser, sans nul empêchement. Oh, un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, qu'envers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Et si tu pas pour lui, jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche? Et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même? Je le crois. Et tous deux brûlés également de vous voir mariés ensemble? Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langages. Mon Dieu! Mais quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens? Je ne compatis point qui dit des sornettes et dans l'occasion molie comme vous faites. Mais que veux-tu? Si j'ai de la timidité. Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Il ne se passe à lui de m'obtenir d'un père. Mais quoi? Si votre père est un bourru fieffé, qui s'est de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatant mépris, ferai-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Sortirai-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos voeux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, oh, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heures que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge, le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Oh mon Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau vous verrez la femme. Ah! Cesse, je te prie, un semblable discours. Et contre cet hymen, ouvre-moi du secours. C'en est fait, je me rends et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville. Quand oncles et cousins vous trouverez fertile, vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, chez le beau monde, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Baillive et Madame l'Élu, qui, de sièges pliants, vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir deux musettes et parfois fagotins. Et les marionnettes, si pourtant votre époux... Ah, tu me fais mourir! De tes conseils, plutôt, songe à me secourir! Je suis votre servante! Mais Dorine, de grâce! Il faut pour vous punir que cette affaire passe! Ma pauvre fille! Non! Si mes voeux déclarés... Quoi? Tartuffe est votre homme et vous en tâterez! Oh, tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée! Fais-moi! Non! Vous serez, ma foi, tartuffiée! Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir.

La pièce Tartuffe vous a été présentée par la Banque Laurentienne. Nous espérons que vous avez passé un beau dimanche. La semaine prochaine, au Beau Dimanche, un autre rendez-vous pour tous les amateurs d'art dramatique. En direct du Monument National, la Soirée des masques, la grande fête annuelle du théâtre de chez nous. Ici Winston McQuaid, mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine.